Sepela ngana yaka mokili mpona tika basusu Mbaninga ko batonda na bomengo to disengo ngai moni mambu pasi paponyo koli na leli zambe wanga ngai etike kitoko moninga babale la kamwa site na mokili mbangwa moninga bakangela kanyama tena samba Ivoke a moninga kosomba kwanga teo moto oyo alelaka bizoli ekobimaka oyo asekaka mingi maya miswe pe bimaka zambe wanga mponini otikinga boye Senga na se amo Africa suka ya motala kamponga ina itaka nzoto na bele libawa etike mwana mawa etike malamu bota manyama kana yoko katia banyama oyobo kokana ngai kuna bota ma mobola na katia babwana Nangana bango bisengo mamae Pinzoli nangana bango masanga balangwa baseka Tangwa nangana bango misiki babina basepela Ngana yaka mokili mpona tika basusu Mbaninga ko batonda na bomengo to bisengo Ngai moni mambu Basi na banyo kwa mi Na leli nzambe wanga Ngae tike Kwa moninga babale la kamwa site na mokili Mbangwa moninga bakangela kanyama tena samba Liboke ya moninga kosomba kwanga teo Moto oyo alilaka, bizoli eko bimaka Oyo asekaka mingi, maya miso pe bimaka Zambe wanga, mponinyo salanga, boye Pourquoi ma souffrance fait la joie de tout le monde? Oh mon Dieu, quand je me plains, tout le monde danse mes peines. Pour eux, c'est la bonne musique. Quand moi je pleure, tout le monde vibre de joie. Mes larmes, c'est la bonne pierre. Oh mais pourquoi, mon Dieu, m'as-tu abandonné? Pourquoi quand un homme bien fait du mal, on oublie tout de suite ce qu'il fait? Faut deux jours, on les qualifie partout de malfaiteurs. Quand des mauvais fait du bien, on les clame partout de bienfaiteurs. C'est qu'en sa vie, si c'était pas lui, que toutes ses bévilles sont oubliées. C'est la méchanceté. Le bien mal acquis, on n'en profite jamais. C'est la méchanceté. Le bien mal acquis, on n'en profite jamais. C'est la méchanceté. Maraï, maraï, Murunda, Murunda, mwana mama. Mwana mama Ya choski na biso bandeko Bazele valeli yo C'est la méchanceté Lita bebo bandeko bachere méchanceté. Oh, oh, oh, oh. C'est la méchanceté. La méchanceté, papi Dramao. C'est la méchanceté. La méchanceté, Gobe Mayulu. C'est la méchanceté. La méchanceté, Jean Kanou. C'est la méchanceté. La méchanceté, Constant et Châtel. Na komi ko banga o bolingo mwele ki makasila mi benda o kasi mwanango o akote linga yo na katia mole masolo na lingi e o ae na kanga yo na katia ongi atana nimite o di e o akoya kaka o tena kole masuka miso e kanga mi o pona ye o na koki koni makosa la glaso ya moto e pona ye o Koni ma pokota nanda kwa ndonge Nando bimbulele solo na lingie wo Na lingie na motema mokoye Je suis prêt à tout pour vous prouver que je l'aime vraiment Baboti bami solo borinda ye wo Mi benda o kasi mwanango akote linga yo na katia mole masolo na lingi ye o ae la kanga yo na katia pongi atana nimite o di ye o ako ya kaka o tena kole masuka miso e kanga mi o pona ye o na koki koni makosa la glaso ya moto e pona ye o Koni makoko tana na kwandonge Na bibulele solo na lingie o Na lingie na motema mokoye Je suis prêt à tout pour vous prouver que je l'aime vraiment Baboti bami sora bolinga ye o Don't go star pomona ba pasi na pomona kaputula na polata se pona yo organisa kate Isabella Isabella Bela yeba bolingo Bela yeba mbongo mpasi Okola ngaya wana sela ya koto Bela yeba bolingo Bela yeba mbongo mpasi Baninga nangana sela ya sefa Bela yeba bolingo Bela yeba mbongo mpasi Okola ngaya wana sela ya koto Nasali sabaninga Libala oyo ya ngara yo ba fiti balela

Dibengele, Ambro, Jenny, Sister.